Jean Leclerc aux commandes d'Histoire Vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire Vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Plus de 25 000 personnes ont trouvé la mort au Pérou dans des violences politiques. Histoire Vivante, une émission de Jean Leclerc. Cette semaine, un président inattendu. La seule chose qui marche au Pérou, c'est sentir lumineux et l'armée. Ce qu'il faudrait, c'est une mobilisation mondiale. Et puis, malheureusement, on peut dire que la guerre du Golfe a occulté un peu cette épidémie gravissime de choléra qui a lieu en Amérique latine. D'un sentier lumineux à une démission obscure, le Pérou, un pays en péril. Fujimori, que l'on appelle au Pérou le petit chinois, a commencé sa campagne voilà seulement 6 semaines, avec 1% des intentions de vote. Le Péruvien, c'était comme le champagne, ça fait beaucoup de boules, mais après ça se calme. Bonjour, cette semaine d'Histoire Vivante est donc consacrée au Pérou. En 1990, Alberto Fujimori, alors inconnu, remporte donc les élections présidentielles avec 51% des voix. Sa campagne populiste d'homme bien habillé, souriant, donc propre, lui a permis de répéter inlassablement son credo. Il se retrouve à la tête d'un pays sous perfusion, avec plus de 7000% d'inflation et harcelé par une guérilla sanglante qui atteint à l'époque son apogée. Cette guérilla est menée par un groupe internationalement connu sous le nom de Sentier Lumineux. Aujourd'hui, c'est à ce groupe révolutionnaire que nous consacrerons notre nouvel épisode d'Histoire Vivante. Chapitre 1. 68. La Révolution. Enregistré à Londres le 5 mai 68 et sorti aux USA à l'automne, ce titre est vite banni des radios sous prétexte d'incitation à l'émeute. Étonnamment, les Stones étaient à l'époque considérés comme le groupe le plus politiquement engagé, le plus provocateur et certainement considéré comme le plus subversif par les autorités. Les Rolling Stones chantent « Street Fighting Man ». Contrairement à l'Europe et aux États-Unis, 1968 ne va pas représenter une année clé pour les pays d'Amérique latine. Il n'y a pas d'avant et d'après 68, mais plutôt la continuation d'un processus enraciné en Amérique latine dès le début des années 60. Le mouvement perpétuel semble tourner autour de 3 phases, bien distinctes, toujours les mêmes, un autoritarisme politique, des révoltes étudiantes, une guérilla. 1968, c'est l'année où le Che est cité comme l'exemple, la figure symbole de l'intellectuel révolutionnaire engagé qui, abandonnant tout, peut du jour au lendemain partir pour combattre en faveur de n'importe quel peuple opprimé de la Terre. Par l'intermédiaire de cette figure emblématique du Che, c'est aussi et surtout Cuba qui représente depuis une dizaine d'années le point de référence de l'idéal révolutionnaire devant inéluctablement émerger du continent sud-américain, c'est ce que pensent beaucoup d'intellectuels européens, c'est le seul à offrir une perspective socialiste plausible, alternante avec le socialisme réel de l'Union soviétique. Et bien que comparativement à l'Europe et aux États-Unis, 1968 ne soit pas une année aussi importante quant à ses conséquences qu'elle aura sur la société, il n'empêche, en 1968, il y a de la corrida dans les Andes. Le 16 janvier, à Guatemala City, un groupe de guérilleros du mouvement phare tue deux officiers du commandement américain présents dans cette capitale. Le pays est mis en état de siège. En juin, la révolte éclate en Argentine alors que le gouvernement célèbre l'anniversaire de son coup d'État à Buenos Aires. Le 13 juin, le président de l'Uruguay décrète la limitation des libertés civiles. Le mouvement des Tupamaros choisit la guérilla. Le 28 juillet, éclate la révolte étudiante à Mexico et la police réplique en recourant aux bazookas et aux chars d'assaut. Le 21 septembre, nouveaux affrontements dans la capitale mexicaine, 736 personnes sont arrêtées. Le 3 octobre au Pérou, le gouvernement civil du président Belaunde Terry est renversé par les militaires. Le même jour, sur la place des Trois Cultures à Mexico, 10 000 étudiants sont attaqués par la police qui ouvre le feu avec des mitrailleuses. Il y a plus de 300 morts. Le 12 octobre, un coup d'État renverse le président du Panama. Le 14 décembre, au Brésil, le gouvernement militaire impose un nouveau tour de vis. 3 000 personnes sont arrêtées. Privées de droits politiques, le président suspend les garanties constitutionnelles. Ainsi va l'Amérique latine au cours de la seule année 1968. Mais venons-en à présent au Pérou et plus particulièrement au Sentier Lumineux. Chapitre 2. La Révolution, déesse aux mille bras. Le Sentier Lumineux est le surnom d'une branche du Parti communiste du Pérou. C'est aussi et d'abord un mouvement de résistance amérindienne. Pourquoi Sentier Lumineux ? Réponse par Arnaud Delagrange qui a dirigé un ouvrage collectif paru à la fin des années 90 intitulé « Les mondes rebelles ». Il est au micro de Jacques Mourican. C'est un peu l'affaire d'un homme, hein, Bimael Guzman, son leader, hein, qui a été arrêté dans les années 90 et qui a voulu, en fait, il voulait faire une subtile synthèse, subtile entre guillemets, entre le marxisme-léninisme, la doctrine maoïste aussi, et puis la pensée d'un Péruvien, José Carlos Mariátegui, et d'où cette expression que le parti, parce qu'en fait, il faut savoir que le Sentier Lumineux donc, est quand même le fruit de scissions en cascade au sein du Parti communiste péruvien, donc en fait, devait suivre le Sentier Lumineux de Mariátegui. Donc en fait, l'expression Sentier Lumineux vient de là. Alors, ce Mariátegui, c'est un journaliste, en fait, donc il avait séjourné en Europe, avant de revenir au Pérou, et puis fonder, mais c'est dans les années 30, hein, là, le Parti socialiste péruvien. Et en fait, il a écrit un livre qui sert un peu de référence au mouvement, cet essai d'interprétation de la réalité péruvienne, bon, et qui a été considéré, mais au-delà du Pérou d'ailleurs, hein, comme un ouvrage phare quand même, hein, du socialisme sud-américain, latino-américain, et qui a développé une conception nationale et indigéniste un peu de la révolution. Notamment en prenant le retour aux communautés Inca, parce que, selon lui, en fait, l'Empire Inca avait bâti le système le plus développé, le plus harmonieux des systèmes communistes. Donc, bon, voilà, il y avait ce retour à cet âge d'or communiste des communautés Inca, et le Sentier Lumineux s'est largement donc fondé sur ses écrits. Alors après, avec des dérives, des dérapages qui, évidemment, ont mené à une révolution absolument paroxystique et désastreuse pour les populations. C'est dans le coin le plus paumé, le plus pouilleux de l'arrière-Pérou que naît le Sentier Lumineux dans le département de l'Ayacucho. Il naît sans doute vers la fin des années 60, mais reste à cette époque-là archaïque, rudimentaire. Il est une voix de plus qui résiste face à la misère endémique qui gangrène le pays. À la même époque que le Sentier Lumineux, d'autres mouvements apparaissent qui emprunteront des actions totalement différentes. C'est le cas de la théologie de la libération. C'est un courant qui s'est développé à l'intérieur de l'Église catholique d'Amérique latine au cours de ces années 60. Lui aussi est en liaison avec les problèmes politiques et économiques du continent sud-américain. Plusieurs pays vont suivre ce courant au Brésil, au Salvador, au Nicaragua et donc au Pérou avec une personnalité forte, celle du père Gustavo Gutiérrez. Le point commun de cette réflexion sur la foi, destinée à des peuples opprimés ou économiquement marginalisés, réside dans l'attention aux situations concrètes, historiques et politiques dans lesquelles intervient le message de l'Église. N'hésitant pas à emprunter des concepts au marxisme et admettant, le cas échéant, le recours à l'action violente et armée, la théologie de la libération a été, on s'en doute à plusieurs reprises, l'objet de mise en garde par Rome. Le père Gutiérrez est au micro de Pierre Rotet. La situation du pauvre en Amérique latine, de l'homme du peuple en Amérique latine, est une situation d'oppression. D'oppression sociale, économique, politique, culturelle. Et je pense que quand on parle de libération, on oppose finalement la situation des morts, parce qu'en dernière instance, pauvreté signifie mort, mort physique des gens, et mort culturelle, quand vous méprisez une race, vous méprisez les femmes, n'est-ce pas, parce qu'elles sont femmes, et vous les tuez d'une certaine façon. Et libération signifie vie. Et la revendication fondamentale, me semble, du pauvre, c'est quand même son droit à vivre. C'est ça, sa revendication fondamentale. Alors quand je parle de libération, c'est libérer de ses forces de mort, je dirais, pour aller, accéder à une vie humaine et chrétienne. Et je pense que la théorie de libération, c'est une réflexion sur le message chrétien pour dire aux gens que justement la situation qu'ils vivent actuellement n'est pas voulue par Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est une volonté de vie. Le Dieu de notre foi est le Dieu de la vie. Et par conséquent, la situation qu'ils traversent, qu'ils vivent à ce moment, est contraire à cette volonté qu'ils doivent s'efforcer, même lutter pour une autre situation. Je pense que dans un changement social, il y a un aspect de changement de mentalité. Et je pense que la théorie de libération, c'est une contribution à ce changement de mentalité. Pour le Sentier Lumineux, le changement de mentalité doit passer par les armes. En quelques années, le mouvement qui a débuté dans la clandestinité a fortement grandi et s'est développé, dépassant désormais le stade régional. Bien vite, il devient le groupe armé le plus important du Pérou. Guzman, son fondateur et ses proches sont issus du Parti communiste. De l'intérieur, ils ont formé la faction rouge qui porte le surnom du Sentier Lumineux. Cela remonte à 1964. À ce moment, le Parti communiste au Pérou se divise en pro-soviétique d'un côté, en pro-maoïste de l'autre. Et puis, au début des années 70, Guzman décide de sortir du parti, et c'est là que la faction rouge décide de devenir le Parti communiste du Pérou, Sentier Lumineux. L'Ayacucho, la province où tout a démarré, est désormais bien loin. Les Sentiers Lumineux partent à la conquête du Pérou, à la conquête du monde. Chapitre 3. Qui c'est qui fait quoi là-dedans ? L'organisation est complexe, elle compte un niveau national, régional et local. Le niveau national est bien sûr dirigé par les hautes sphères, dont Abimael Guzman fait partie. Les femmes ont également un rôle. Ce sont elles qui renforcent le Sentier Lumineux. Pour plusieurs d'entre elles, ce mouvement est un échappatoire, une promesse d'équité sexuelle. Cela n'a pas échappé à l'équipe d'une télévision canadienne partie réaliser un des très rares sujets sur le Sentier Lumineux, dont voici un extrait. C'est dans une université des Andes, à San Cristobal de Huamanga, ici à Ayacucho, que tout a commencé, quand Abimael Guzman était professeur de philosophie dans les années 70. C'est là qu'il a commencé à élaborer ses premières théories. Après plusieurs voyages en Chine communiste, c'est là aussi qu'il a commencé à les enseigner à des étudiants, et surtout en plus grand nombre à des étudiantes. Parce qu'au Pérou, et encore plus dans les Andes, l'emploi est rare pour tout le monde. Et il l'est encore plus pour les femmes. Une éducation n'est pas du tout une garantie d'emploi. Et si une femme veut échapper aux tâches domestiques très lourdes ou aux travaux des champs, dans une société plutôt machiste et dure, voire violente pour elle, un des débouchés les plus sûrs, c'est l'enseignement. Et le Sentier Lumineux, lui, offre aux femmes l'égalité selon leurs possibilités. Voici une vidéo du Sentier Lumineux à la mort d'Augusta Latorre, la femme d'Abimael Guzman, appelée camarade Nora. C'est elle qui l'a poussée à la politique active. La camarade Nora, en désaccord politique avec lui, est morte en 1988, suicidée dans des circonstances suspectes. Mais on voit là déjà, dans l'entourage intime du président Gonzalo, l'importance des femmes. Et on l'a vu encore lors de son arrestation en septembre. Le numéro 2, toujours une femme, Elena Iparaguirre. Elle était aussi jusqu'ici sa compagne. Et puis, avec lui, il y avait d'autres femmes, dont, stupéfaction à Lima, Maritza Garrido Leca, une jeune danseuse de bonne famille catholique de la capitale qui levait le poing à la victoire de la Révolution. Maritza Garrido Leca a été condamnée à la prison à vie, comme tant d'autres, par des juges sans visage, en secret, par un tribunal militaire d'exception. Jugée de la détermination de cette militante, Juana, Cette personne douce et aimable est capable de vous dire sur un ton glacial que si le parti lui demande de tuer quelqu'un, elle le fera. Certainement, dit-elle. Je suppose. Si preguntan. Mira, nosotros confiamos en el partido. Nous avons confiance dans le parti. Y sabemos que el partido no se equivoca. Il ne se trompe jamais. Cuando alguien tiene que ser quand il faut supprimer quelqu'un, il y a eu enquête. Es un enemigo. C'est un ennemi. Les exploiteurs, oppresseurs, délateurs, mouchards ne doivent pas continuer à vivre. Juana, en vrai, ne s'appelle pas comme ça. Elle ne porte pas de lunettes. Elle a de légers traits d'indienne et un beau sourire. Insoupçonnable, elle aussi. Mais elle donne au parti 24 heures de ses journées. Elle a dû quitter ses deux fils. Elle vit dans la clandestinité. S'attend quotidiennement à devoir mourir pour le parti. Et elle confirme que le parti au pouvoir devra carrément liquider toutes les classes dirigeantes. On ne peut concevoir une révolution sans violence, sans mort, sans blessés, sans disparus. Supprimer toutes les classes, supprimer, éradiquer, repartir à zéro. Dans quelques instants, de la théorie à la pratique, suite de cette évocation d'Abimael Guzmán et du Sentier Lumineux. El pueblo unido jamás será. C'est l'un des hymnes de tous les groupes révolutionnaires de l'Amérique du Sud, souvent repris dans les meetings gauchistes en Europe. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar que el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Chapitre 4. Profil incertain d'un gourou douteux. En cette fin d'année 1960, le Parti communiste péruvien, créé en 1930, pensait-il qu'un jour naîtrait dans ses rangs l'un des personnages les plus radicaux de l'internationale communiste. Abimael Guzmán, que beaucoup comparent à un Pol Pot qui n'aurait pas eu le pouvoir, est un personnage à part entière. Mi-maître à penser, mi-gourou, Guzmán s'est créé un véritable mystère autour de lui. De rares photos, peu de rencontres avec les journalistes, tout au moins pas de rencontres officielles, seulement de ces rencontres de hasard, comme celle qu'a faite un jour un Suisse, Jean-Claude Bureur. Oui, je l'ai rencontré tout à fait par hasard en 1970. Je m'étais rendu à Ayacucho dans les Andes centrales, qui est devenu par la suite le fief du Sentier Lumineux. Et je visitais des projets de la coopération technique suisse, qui est devenue aujourd'hui l'aide au développement. Et j'ai rencontré un ingénieur agronome qui avait fait des études à Prangin, au centre d'expérimentation agricole en Suisse, qui était retourné pour enseigner à l'université d'Ayacucho, et qui s'appelle Dias Martinez, puisque par la suite, il est devenu le numéro 2 du Sentier Lumineux, et a été arrêté en 1985, et c'est lors d'une mutinerie qu'il a été tué par la police, qui était intervenue à la veille d'un congrès de l'International Socialiste pour mater une mutinerie, qu'il est mort. Et c'est Dias Martinez qui m'a fait rencontrer Abimael Guzmán. Pourquoi ? Parce qu'on était coincés dans cette région délaissée des Andes à cause du mauvais temps. Les avions ne venaient plus, on a dû attendre une semaine. Et puis, comme Guzmán, qui enseignait la philosophie dans cette université et était à l'époque secrétaire général de l'université, je l'ai rencontré. Et puis le soir, au coin du feu, il échafaudait ses théories. Moi, je croyais avoir affaire à un illuminé, mais des fois, il faut faire attention avec certains intellectuels. Et puis la preuve, c'est que 10 ans plus tard, Guzmán, qui entre-temps était allé en Chine, eh bien, a commencé la lutte armée sous le nom de camarade Gonzalo, en s'inspirant de la pensée de Mao Tse-Tung. Il y a au fond 3 périodes distinctes concernant l'histoire du Sentier Lumineux. Ce passage qui va de l'Ayacucho, la province où tout a démarré, pour essaimer la campagne environnante, va prendre une 20aine d'années. C'est la tranche la plus longue. Elle va durer de 65 à 85. Et puis va venir la direction guerrière et l'union entre maoïstes et amérindiens, autour des années 80-82. Et enfin la troisième phase, la radicalité absolue avec l'offensive et les guerres tribales. Cela se passera dans les années 83-84. Quant au programme politique d'Abimael Guzmán, nous retrouvons Jean-Claude Burel. Il avait, dans sa théorie, élaboré les principes d'une révolution mondiale qui, partant des montagnes du Pérou, par l'encerclement des villes, comme ça avait été prévu par les maoïstes, c'est-à-dire que on soulève d'abord les campagnes, ensuite on prend les villes, et puis une fois que le Pérou serait tombé, eh bien ça serait au tour des autres pays andins voisins qui ont des conditions analogues. D'ailleurs, on a appris il y a quelques semaines que les sendéristes, les membres du Sentier Lumineux, avaient déjà installé des bases arrières en Bolivie, et puis ensuite on libérait entre guillemets l'ensemble de l'Amérique latine, puis l'ensemble du monde. Et Guzmán, il faut pas l'oublier, s'en prenait aussi bien à l'impérialisme soviétique, puisque l'Union soviétique existait encore à l'époque, qu'à l'impérialisme américain, et puis dénonçait de la même façon ce qu'il appelait le révisionnisme albanais que le révisionnisme de Deng Xiaoping, qui était devenu l'ennemi principal du Sentier Lumineux. Diviser, s'isoler, se scinder, s'opposer à tout pour être mieux maître chez soi, c'est ce à quoi finit par parvenir Abimael Guzmán, qui, au fil des années, prend une ascendance quasi mystique auprès de ses sympathisants. Un facteur religieux dans le Sentier Lumineux, très important selon un des grands spécialistes du mouvement, le journaliste Gustavo Goriti. El factor religioso y milenarista en Sendero Luminoso es sumamente importante. Le facteur religieux commence par le culte exacerbé de la personnalité d'Abimael Guzmán, à qui on prête des capacités surhumaines. En passant par la vision de la société de parfaite harmonie où le temps s'arrête, jusqu'à celle de la révolution et de sa propre mort comme sorte de feu purificateur. El ver la revolución y su muerte como una suerte de fuego purificador. Mais l'esprit purificateur est aussi un esprit frappeur, pour preuve cette méthode qui lui permet d'incorporer dans ses rangs des paysans andins traditionnellement ancrés dans la révolte depuis toujours. Donc il y avait des traditions de maquisards qui existaient dans cette région, complètement délaissées. Et puis Guzmán, théoriquement, s'est dit qu'il y avait un capital révolutionnaire à exploiter. Et puis il a voulu un peu faire malgré eux le bonheur de ces paysans. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces paysans qui ont été souvent enrôlés de force par le Sentier Lumineux, eh bien se sont trouvés pris entre deux feux et puis ont été les principales victimes des 25 000 morts qui ont eu lieu au cours des dernières années, en un peu plus de 10 ans, lors des affrontements entre la police et le Sentier Lumineux. Ils étaient pris entre deux feux et puis c'est eux qui ont payé les pots cassés. Et le 12 septembre 1992, c'est le coup de théâtre. Coup dur infligé à la guérilla péruvienne avec l'arrestation du chef du Sentier Lumineux. Abimael Guzmán a été capturé hier à Lima. Il était en train de participer à une réunion de militants de son mouvement. Les radios et les télévisions parlent déjà de la capture du siècle. Le Sentier Lumineux, d'inspiration maoïste, compterait quelque 25 000 combattants. Et depuis qu'il a pris les armes en 1980, plus de 25 000 personnes ont trouvé la mort au Pérou dans des violences politiques. Abimael Guzmán, un professeur de philosophie, avait fondé le mouvement 10 ans auparavant, mais en 12 ans de clandestinité armée, le dirigeant maoïste ne s'était jamais laissé photographier et n'avait pas accordé la moindre interview. Guzmán se retrouve dans une cage, entouré de journalistes et de photographes venus du monde entier qui n'ont de cesse de le mitrailler. Lui, comme un lion en cage, leur lance des invectives, mais on le sent, quelque chose est cassé. Désormais, le Sentier Lumineux va opter pour la fuite en avant. 12 ans de terreur, de bombes, de massacres et ces derniers mois plutôt d'assassinats sélectifs. Depuis que son chef suprême et guide, Abimael Guzmán, dit le président Gonzalo, a été arrêté et condamné à la prison à vie. Sa capture a ralenti les attentats mais n'a rien arrêté. Aujourd'hui, 5 bombes, dont une près d'une école. La prison de Canto Grande à Lima, il y a un an, était sous contrôle total du Sentier Lumineux, hommes et femmes. Hormis le pouvoir, tout n'est qu'illusion, chante le Sentier Lumineux. Et la violence est le moyen indispensable pour le conquérir. Dans le parti, les femmes ont la réputation d'être des combattantes redoutables et impitoyables pour les exécutions, surtout pour donner le coup de grâce. Et à la tête, elles formeraient aussi 56% du comité central. Leur niveau d'éducation y est bien supérieur à celui des hommes. Guzmán a été condamné à la prison à vie. Il a demandé de mettre fin à la lutte armée. Il est aujourd'hui emprisonné sur une île gardée par la marine de guerre du Pérou. Avec lui disparaît peut-être un mouvement de guérilla maoïste dont la première des intentions était de défendre les petits producteurs de feuilles de coca contre les campagnes d'éradication répressive menées par les États-Unis. Le Sentier a été chassé de la région en 1984. Il y reviendra 2 ans plus tard, avec pour la première fois l'utilisation de l'argent de la drogue pour son financement. Le Sentier Lumineux a causé depuis 1980 la mort de 26 000 personnes. 26 000 personnes qui n'auront plus la misère péruvienne comme seul et unique horizon. Demain, l'arrivée sur la scène politique péruvienne d'Alberto Fujimori. Thank you.